Thank you. Thank you. Aristotle. Okay. One, two. Aristotle. Sorry. Just a computer problem. It's okay. Tu n'es pas là, mon cœur chagrin ne pense qu'à toi. Ça va pas ça. Ça va pas. J'écoute le vent siffler sous le toit. 1, 2, 3, 4. Tout attend, même le chat sur la fenêtre à côté du cabas. J'allume ses bougies, le chien près de la porte assis, les oreilles dressées, écoute la nuit. Mon cœur blessé pleure pour toi, et tous les soirs, la même cérémonie se répète. Come on. Come on, my friend. Ladies and gentlemen, Mr. Muckle, tout droit venu de l'Allemagne à la guitare. Yeah, man. À la basse, c'est Peter. D'orage, chasser ces nuages, effacer tous tes chagrins. Pour toi, j'aimerais faire tout ça pour toi. Avec toi, cacher tes souvenirs dans ton jardin secret. Dis-moi si un jour le vent emportera tes pensées vers d'autres rivages. Mon île te sauvera du naufrage. Come on, Mr. Michael, come on. Tire tight. Jim, nice moment with you, Mr. Muckle and Mr. Peter. Thank you. À bientôt.